Quand arrive un problème électrique, on est souvent désemparé. Alors, ne cherchez plus. Il y a les électriciens du Nord, 1025 Première Avenue, l'Ascension. Notre spécialité, les installations commerciales, résidentielles ou industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible. 40 ans dans notre milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Faites confiance à des pros. Contactez immédiatement les électriciens du Nord, 88-347-5103. Toute notre équipe salue le mois de l'arbre et de la forêt. La société sylvicole du secteur de Mistassini œuvre dans le domaine de l'aménagement de la forêt et le reboisement forestier. Notre société emploie plus d'une centaine de personnes dans la région. La société sylvicole est sur 245 Dequin, secteur Mistassini, au numéro de téléphone 88-276-8080 et est très heureuse de souligner le mois de l'arbre et de la forêt. C'est avec grand plaisir qu'on accueille aujourd'hui Christian Veilleux. Qui est Christian Veilleux? Ben, c'est un carrière qui vient de la région d'Ottawa, qui a été un franco-ontarien, qui s'est commis avec l'université de Penn State. Mais ce qui est aussi impressionnant, c'est qu'il a refusé des offres de Clemson, de LSU et également de Michigan et de nombreuses universités. Donc, bon après-midi, Christian. Bon après-midi. Et j'ai Pascal Masson qui va remplacer notre ami Wallet. Wallet qui est normalement notre collaborateur pour la NCAA, mais Pascal connaît très bien la NCAA également. Donc, salut Pascal, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Oui, ça fait du bien de se parler un peu de football, mon dame. Oui. Alors, je vais commencer la première question, puis Pascal, par la suite, on va alterner dans les questions. Pourquoi Penn State, Christian? Ah ben Penn State, ça a toujours été une école que j'ai connue, ça fait longtemps maintenant, puis ça fait tout un an qu'ils m'ont donné un offre, puis ils m'ont toujours dit qu'ils voulaient m'avoir. Donc pour moi, c'était la décision d'aller à Penn State, c'était parce que c'est proche de la maison, donc ma famille peut conduire 7 heures de route puis se rendre à une game. Je trouve que l'école là-bas est super bonne aussi. Okay. Et le football aussi, il est super bon. Donc. Pascal, vas-y, ouais. Ben en fait, je peux quand même un peu comprendre ton choix par rapport. J'ai eu l'opportunité d'aller faire le camp d'entraînement à Penn State puis de voir l'environnement de ce collège-là. En fait, c'est vraiment le collège qui mène la ville, hein, parce que c'est une petite ville remplie d'étudiants. Ouais. Et la journée où on rentre dans le stade puis qu'on voit la foule tout habillée en blanc, je crois que c'est assez marquant. Pour moi, je voulais savoir, toi, de ton côté, lorsque tu t'es suite à... Parce que toi, t'as joué high school aux États-Unis pour finalement te rendre à NCAA maintenant. Et c'est quoi l'habileté que tu penses qu'avoir travaillé le plus pour te rendre au niveau que tu souhaites? Je pense que c'est juste l'habileté de tout faire. Comme tu as dit, je suis descendu aux États-Unis pour aller jouer. Puis ça m'a seulement aidé à attraper l'attention des écoles américaines. Donc pour moi, c'était vraiment... je pense que j'ai un talent un talent qui a été reconnu par les entraîneurs. Puis je pense que ça a tout bien fonctionné parce que je suis allé aux États-Unis aussi. Donc ça a vraiment aidé. Parce que ta force, franchement, là, les deep balls, là, les balles profondes, là, c'est une grande force chez toi. Et lorsqu'on regarde tes vidéos, c'est marquant à quel point ton ball placing est super bon. Fait que c'est certainement un atout là, pour le niveau universitaire, puis d'avoir des receveurs. Ben, t'avais pas des mauvais receveurs là, quand je regarde ton highlight. T'avais sûrement des gars là-dedans qui ont eu des bourses, mais avec Penn State, ça va être un bon match-up pour toi, là. Ouais, c'est ça. À Penn State, il va y avoir plein de ressources. Puis les receivers là-bas, ils sont super bons. Donc ça, c'est bon pour moi aussi. Là. OK. Christian, Clemson et LSU et Michigan, trois universités aussi prestigieuses que Penn State. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que les offres étaient intéressantes également de ces trois autres universités-là? Je pense que Penn State était unique pour moi et ma famille, juste parce que la relation qu'on avait avec les coachs, puis le montant de fois qu'on est descendu là-bas. Donc, ça fait beaucoup de fois que je suis descendu là-bas, puis je connais beaucoup d'affaires à propos de l'école comparé aux autres écoles. Puis moi, pour dire non à Clemson, puis dire non à LSU, c'était, c'était difficile, mais Penn State, c'était vraiment le meilleur choix pour moi, puis ma famille, puis on le savait, ça. Donc, c'était un peu dur, mais en même temps, c'était une décision facile aussi. Là, donc. OK. Pascal? Est-ce que le fait que Penn State a quand même mis la main sur plusieurs joueurs canadiens là dans les derniers mois, est-ce que ça l'a influencé ton choix également? Oui, je pense que ça l'a aidé aussi. Donc, comme comme une année passée, il y a deux joueurs dessus l'équipe de Penn State que moi je connais très bien, qui vient d'Ottawa aussi. Puis maintenant, ils vont en ajouter deux autres et moi. Donc, on va être cinq au total dans deux ans sur l'équipe. Donc, moi, je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé ça cool. Puis, je pensais que ça veut dire quelque chose quand il y a d'autres Canadiens qui veulent là aussi. Donc. OK. 6 pieds 4, 200 livres, Christian. Ce qu'on me dit, c'est que peut-être qu'il faut que tu ajoutes un petit peu de muscle, c'est ça? C'est quoi ton poids idéal? 2,25, 2,30 à peu près? Ouais, c'est ça. Donc, au collège, je voulais être à l'entour de 2,25, 2,30. Je pense que cette année, je voulais me rendre à 2,10 pour la saison. Donc, c'est ça que j'essaie de faire en ce moment. Mais ouais, quand j'arrive au collège, je pense que je vais être à 2,25. OK. Pascal? Puis, tu sais, je dois te dire, Dan, là, Penn State a une réputation. Ils sont reconnus pour leur programme d'entraînement. Encore une fois, là, pour y avoir passé quelques temps là-bas pour observer comment la machine fonctionnait. Et je suis convaincu que Christian va atteindre ses objectifs. Il n'aura pas tout à fait le choix de toute façon. Et lorsqu'on regarde là, le depth chart de Penn State, on voit déjà que Christian va être dans les plus grands carrières de l'équipe. Et il sera pas trop loin là, au niveau physique déjà. Puis là, on en a parlé de la force de son bras. Donc, les détails à peaufiner. Mais je pense que pour 2021, t'as une belle opportunité puis t'as une belle position là, pour toi. Oui, exactement. C'est ça. Je pense que Penn State, c'est une super bonne opportunité aussi. Donc. OK. Si on parlait un peu du côté de ton style de joueur de football, t'es un carrière qui aime courir avec la balle, hein? Non, moi, je suis plus un carrière qui aime lancer la balle. Moi, je préfère lancer avant de courir. Donc, c'est toujours comme ça que je joue. Puis, je pense que c'est ça l'aspect de mon jeu que Penn State aime aussi. Donc, j'ai encore l'habileté de courir si je veux. Donc, j'ai un petit... je suis athlétique, puis je pense pas que tout le monde réalise ça avec moi. Donc, j'aime ça l'utiliser pour mon avantage. Donc. OK. Pascal? Ben c'est Penn State on a beaucoup plus la réputation d'avoir des pocket quarterbacks. Tu sais, on n'a pas un système offensif de spread offense ou de RPO, là, où ce qu'on va utiliser nécessairement majoritairement un carrière pour menacer la défense avec le carrière qui court. Mais je crois, Christian, que de temps en temps, tu es capable de surprendre. Tu sais, t'es plus. C'est plus quand tu vas improviser ou que tu n'auras pas tes lectures ou que tu vas être en mesure de t'échapper, là. Ouais, c'est ça. Improviser, je trouve que c'est quelque chose que je suis bon. Puis je pense que ça c'est quelque chose qu'il n'y a pas tout le monde connaît à propos de moi. Donc je pense que c'est quelque chose que je suis capable de faire aussi, là. OK. Effectivement. Christian, je t'ai écouté avec nos amis d'Ottawa, Nicolas Saint-Pierre, puis tu as mentionné que vraiment ton but, c'est de démontrer que des carrières canadiens. Tu veux devenir le premier carrière canadien à être vraiment à aller très loin dans la NFL et toi tu te dis un carrière canadien beaucoup plus qu'un carrière américain. Est-ce que ça évolue au fil des années ou c'est vraiment un problème vraiment? Il y a beaucoup de préjugés face au carrière canadien encore aujourd'hui? Ouais, je trouve qu'il y a encore des préjugés. Mais en même temps de dire ça, je pense que ça s'est amélioré au fur des dernières années là. Mais dans le fond, il y a toujours un préjugé, puis j'ai toujours quelque chose que comme quand j'étais jeune, j'ai réalisé qu'il y avait un préjugé. Donc mon but, moi, c'est juste de démontrer aux autres qu'ils n'ont pas raison puis que les carrières canadiennes sont aussi capables que les carrières américaines. Ouais. Pascal? Ben tu sais, je veux dire, on a vu des carrières canadiens au fil des années peut-être réussir à se démarquer. Je veux dire, on pense mettons à un Jesse Palmer qui a eu du succès là, jusqu'au niveau de la NFL. C'est sûr par contre que c'est beaucoup plus difficile lorsqu'on parle des carrières canadiennes à avoir été développées au Canada à 100%. Ça, on, on n'en a pas vraiment vu. On a vu les chemins un peu comme Christian a fait, où il est allé se développer, se peaufiner au niveau du football high school américain. Puis je pense que en tant que corps arrière, c'est vraiment le chemin qu'on doit favoriser, parce que c'est plutôt difficile de se faire voir comme corps arrière lorsqu'on évolue seulement qu'au Canada. OK. Si on y allait maintenant, Christian, toi, je veux dire, est-ce que éventuellement tu vises vraiment la NFL, c'est ton but, ou une carrière dans les Canadiennes également, ça pourrait pas être tu pourrais être satisfait aussi? Oui, absolument. Mon rêve, ça a toujours été de jouer dans la NFL, donc c'est définitivement un rêve, puis c'est quelque chose que, tu sais, en choisissant la qualité, je trouve que ça me donne une bonne opportunité d'accomplir mon rêve, donc. Oui. Pascal? Ben, c'est exactement la mentalité qu'il faut avoir, hein. Tu sais, t'as pris des décisions, je pense, tout au long de ta carrière, de ta jeune carrière, Christian, pour atteindre tes objectifs, puis ça prend des objectifs comme que tu t'es fixé afin d'avancer. Puis, à the end of the day, ça va juste te faire prendre les bonnes décisions. Ouais. Donc, moi, je suis bien d'accord avec ça. Dernière question, on va te laisser aller, Christian. S'il y aurait un carrière dans la NFL, à qui tu te comparerais? Je me comparerais à Aaron Rodgers. Je trouve que son bras est très fort. Il est super bon à lancer. Mais il y a un élément de, tu sais, qui peut courir lui aussi, puis je trouve que ça, c'est quelque chose que moi aussi je peux faire, donc c'est vraiment mon carrière favori, puis c'est lui que j'essaie de rassembler ça. OK. Ben, Christian, félicitations, c'est une belle honneur. Écoute, un Canadien qui va être à Penn State, qui risque d'être dans 2 ans. C'est quoi, 2021 que tu risques? Là, présentement, c'est ta première année, en 2020, tu vises, tu vas-tu être encore avec Penn State, ou c'est quoi le but? C'est quoi le projet? Je vais être là en 2021. En 2021. Donc, c'est ton objectif d'être partant, c'est l'an prochain? Oui, c'est ça. OK. Donc, ça va être pas mal d'être le fun de pouvoir partant à Penn State, jouer devant 100 000 personnes avec les matchs à ABC, à ESPN et ainsi de suite. Donc, on a bien hâte de te reparler. Merci beaucoup. Voilà, donc, Christian Veilleux qui va signer avec l'Université de Penn State.